It is so weird and warm, so I should worry, yeah, yeah. I'm so young, don't. What else to say, dear, dear? It is so weird and warm, so I should worry, yeah, yeah. I'm so young, don't. What else to say, dear, dear? It is so weird and warm, so I should worry, yeah, yeah. I'm so young, don't. What else to say, dear, dear? It is so weird and warm, so I should worry, yeah, yeah. I'm so young, don't. What else to say? Voilà, donc toujours Bulle de Rêve, toujours Radio Libertaire, toujours deux heures sur le cinéma d'animation, plus que 50 et quelques minutes. On est un petit peu en retard, oui, c'est vrai, j'avoue. Mais 5 minutes, pas plus. Donc, on a entendu juste avant I Wrestle a Bear Once, Cat's Pajamas, et juste à l'instant, Burning House. Le nom du groupe, c'est Pierre. Lilt. Lilt. Je ne sais pas pourquoi je voulais absolument dire Tilt. Donc, c'est pour ça, Lilt de Pierre Mazingarbe. Et. On reçoit donc Babouchka. Je me mets parce qu'ils sont tous sur un coin. En fait, ils sont mis sur une face seulement. Je sais pas si c'est fait exprès. Mais voilà, donc on reçoit plein de gens. Angèle Kyodo, j'ai appris jeudi qu'il fallait dire Kyodo alors que je dis Kyodo depuis le début. Donc ça c'est bien, maintenant je peux le dire en direct. Angèle Kyodo. Merci. Voilà, la seule entre l'eau et le sable. Anaïs Cora. On dit Cora, hein, on m'a dit tout à l'heure. Pour Cora. Oh. Ça serait pas mal. Pour Aufir Kame. Elle prend en photo Émilie Robin pour Mother. Cerise Lopez pour Les Aimants et Pierre Mazingarbe pour Burning House. Donc on vient d'entendre. Ils sont beaucoup, donc on va essayer de faire. J'avais prévu 4 moments d'à peu près 10 minutes chacun pour ces 4 moments là. Déjà je voulais savoir chacun d'entre vous de manière comment c'est fait. On va parler de du début, comment s'est fait chacun les préparations de vos projets. Et là, ils regardent, ils sont tous, c'est super drôle, dommage qu'on soit à la radio, mais je peux vous le dire, ils sont tous en train de lever les sourcils aux yeux, aussi en disant, mon Dieu, qu'est-ce qui me fait, c'est quoi cette question? Donc, qui veut commencer? J'aimerais que les cinq vous disiez, voilà, l'étincelle, est-ce qu'elle est venue en 3 ans avant la fin des films de fin d'études? Est-ce qu'elle est venue 10 minutes avant de rendre le film? J'exagère, mais voilà, comment ça s'est passé exactement? Émilie, tu veux commencer parce que tu as l'air de dire que c'était 10 minutes avant. C'est donc, pas loin d'être ça, ouais. Ouais. Après, je sais pas, je pense que bon, il y a pas mal de gens qui avaient des idées assez précises et qui ont fini par faire totalement autre chose. Donc de toute manière, on était tous partis en vacances en se disant j'ai écrit tout mon film et c'est bon. Et en fait, pas du tout. Moi, j'étais partie sur quelque chose. Je voulais absolument faire un film drôle et j'ai plein de vidéos de référence de gens que j'aimais beaucoup. Et après 6 mois de travail, j'avais écrit un film très très glauque et triste. Donc ça m'a pas plu. Et donc le matin du nouvel an, j'ai dit ça suffit, je reprends tout à zéro. Donc effectivement, je l'ai fait un peu en catastrophe sur la fin. Et j'avais pas tout écrit jusqu'à la fin. J'ai rajouté des scènes un peu la dernière nuit. Donc ouais, moi c'était pas un exemple parfait de maîtrise absolue. Non mais justement c'est fait exprès, si je vous demande à tous, c'est aussi de voir justement les différences et comme on parlait qu'on peut même créer un collectif, on parlera de Babouchka à la fin, justement avec des pierres qui sont différentes et l'idée de se dire bah voilà, moi je sais depuis un an, moi je l'ai su et je trouve ça intéressant de voir justement cette difficulté, donc cette, pas difficulté mais cette complexité finalement des choses. Personne t'a dit, des profs ou des camarades, quand t'as dit en janvier je refais tout, on t'a dit non surtout pas, on t'a laissé faire. Mes camarades, si, pensaient que j'avais raison, je pense. Mes profs avaient un peu renoncé de toute manière à mon avis, donc... c'est juste que je leur ai expliqué que si je devais passer 6 mois à faire un film qui vraiment me plaisait pas du tout, ça allait être douloureux pour tout le monde. Et que bon, c'était quand même mon diplôme, donc finalement, c'est moi qui décide. Du coup, je pense que j'ai raison de le faire, même si ça a été un peu juste pour le terminer après. Il n'est pas tout à fait fini, mais bon. Bon, mais ouais, quand même, il est... Bon, j'assume sa non-finitude. Ok. Pierre, toi, c'était... Donc, on a entendu juste un petit peu, c'est l'extrait qu'on a entendu, c'était un clip, on peut dire. Ou est-ce t'es parti donc de la musique Alors en fait oui, la genèse du projet, enfin, je sortais d'un film en prise de vue réelle, donc j'ai démarré assez tard parce que j'étais donc sur cet autre film jusqu'en novembre. Et en fait vers au début du mois de décembre, j'ai vu La Vie aquatique de Wes Anderson et je suis rentré chez moi, j'avais l'envie de construire un espèce de poisson batiscaf. Je suis rentré dans ma grange, on a construit ça avec Maxime du collectif. Et je me suis retrouvé donc dans cette grange avec un poisson batiscaf de 6 mètres de long, habitable. Je savais pas trop quoi faire de ça. Il y avait une chose plutôt ambitieuse qui était d'essayer de faire un film dogme à partir d'eau. C'est un peu paradoxal parce que les films dogmes, il y a quelque chose de très monastique, mais là, il y avait déjà ce décor un peu bordélique. Là-dedans, de faire vivre une communauté d'acteurs qui s'amusent à jouer au déluge, etc. Finalement, ça a avorté pour plein de raisons. Et en fait, j'avais travaillé donc sur le projet précédent avec les filles du groupe Lilt, qui avaient fait la musique du film précédent. Et du coup, j'ai décidé, comme j'avais ce poisson-là, de faire un clip dans ce poisson, quoi. Et du coup, ça s'est fait assez rapidement. Une fois qu'on a construit les décors, on a fait ça à 3-4 personnes en une semaine, ce qui est très long pour un clip, mais j'avais extrêmement peur de m'entourer d'une équipe de chez Fop, etc. Parce que je voulais vraiment, avec peu de monde. Et on a sorti ça avec juste des appareils photo qui font vidéo, quoi, un 5D, de la fumée, 3-4 effets spéciaux un peu bricolés. Et voilà. Il y avait cette envie de bricole comme ça, qui était tu nous as dit le tournage chez une semaine. Il y a eu beaucoup d'écriture avant. T'es parti avec, parce qu'en effet, il y a beaucoup de prises de vue réelles. Les films avant sont aussi pas mal en prises de vue réelles. Il y avait un storyboard, quelque chose de très carré, ou t'es parti. Ouais, en fait, ça part souvent de beaucoup de dessins, quoi. J'en fais trois fois trop. Et après, je monte le film, donc à partir d'un storyboard, j'enlève des dessins. J'ai proposé ça aux chanteuses du groupe. Et puis, en fait, à chaque fois, je rêve d'avoir quelque chose de beaucoup plus improvisé, de dire au jour le jour, on va changer. On va trouver d'autres solutions, d'autres fins, on va dire, à l'histoire. Et finalement, ça reste, en tout cas pour ce projet, totalement maîtrisé. Et puis, comme je suis tellement dans ma tête et que j'ai du mal des fois à expliquer à une équipe, même si elle est réduite, ce que je veux faire, grosso modo, on suit à peu près le storyboard, quoi. Est-ce que donc c'est la vision d'un réalisateur ? On avait toute une journée jeudi, image par image, sur l'hybridation. Ce que veut dire ce terme, c'est un réalisateur qui quand même est parti par l'anime, est passé à un moment donné par l'anime sur la prise de vue réelle. D'où cette. C'est totalement lié à ça. C'est cette méthode de, on va dire, fabriquer, ou en tout cas de penser le film en amont, donc presque verrouiller le montage. Ce qui fait que le montage d'ailleurs est absolument inintéressant pour un film comme ça, quoi. De verrouiller le montage, d'avoir quelque chose d'un peu maniaque, et la seule variable, on va dire, chose qui peut changer, ce sont les acteurs, en tout cas pour un prise de vue réelle, et les petites idées qu'on va trouver dernièrement, quoi. Mais c'est vrai que cette contrainte-là, ce cadre-là, permet paradoxalement de trouver beaucoup plus de choses sur le plateau, sur le moment. Angèle, toi, donc là, pour la seule, ça s'est passé comment? Le film en lui-même, je sais que tu nous as dit, jeudi justement, que tu tournais déjà avec ta grand-mère. C'est un film où on voit notamment ta grand-mère, documentaire. Ouais. Comment tu as eu cette idée? Alors, précisément, je sais pas, mais en fait, j'ai toujours beaucoup de mal à donner une date de début et une date de fin, parce que je crois que j'ai beaucoup de mal à commencer et à finir, et à dire là maintenant c'est fini, et même à me lancer, en fait. Du coup, j'ai toujours du mal à donner des dates et des. Parce que j'écris pas un scénario à l'avance. Et du coup, en fait, comme j'aime pas les choses qui sont arrêtées, je crois que c'est un peu comme en peinture, genre je mets plein de trucs et après je gratte pour retrouver des détails, quoi. Mais sur le coup, comme je trouve que c'est un peu effrayant de commencer à faire quelque chose, quand on est chiant, du coup, je me lance et je fais beaucoup de n'importe quoi et ensuite je fais le tri. Donc c'est. Mais je crois qu'ensuite. Donc en fait, t'as tourné beaucoup de. Tu tournais déjà beaucoup d'images. Oui, c'est ça. Jérémy, c'est bien, il a ramené plein de choses. Il a ramené des chouquettes. Pour le goûter, c'est bien et tout, mais. Donc voilà, ça fait. Hein, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Donc. Ça fait de l'ambiance. Donc en fait, tu tournais déjà beaucoup. Encore une fois, on voit beaucoup ta grand-mère dans le film. Ouais. Ceux qui connaissent ont vu le film, le savent. Ceux peuvent découvrir au moins un extrait. Donc tu tournais déjà beaucoup en fait avec elle. Oui. Et comment est venue l'idée finalement de rajouter un documentaire sur la seule quelque part par rapport à son. Ah ça pourrait marquer le début peut-être, parce que sinon ça fait 4 ans donc c'est pas ça. Non, le début quand je me suis dit la seule, je pourrais marquer le début de mon film avec le titre. C'était justement parce que je voulais pas, contrairement à cette espèce de pratique de. Me filmer moi-même avec ma grand-mère que je trouvais pas non plus forcément intéressante et pas non plus être intéressante pour tout le monde surtout. J'ai une copine qui m'a dit la seule c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Et ensuite j'en ai parlé à d'autres gens et ils ont dit au contraire, j'en ai parlé à YouTube et sur YouTube j'ai trouvé que la seule c'est au contraire il y a des créationnistes qui disent que c'est la preuve que Dieu existe parce qu'il est parfait ce poisson puisque c'est le poisson de Picasso et que ça peut pas avoir été, voilà. Et donc de là est née une histoire d'amour avec la seule et ça m'a permis de planquer tout le côté nombriliste de ma grand-mère. Donc c'est intéressant. Enfin, mon côté. Oui, il y a eu cette, donc Il y a ta relation avec ta grand-mère, puis d'un seul coup ça pour justement désamorcer camoufler. Un peu le côté camouflé, ouais. Comme la seule. Oh, tout est. Bravo. Ouais. Anaïs, ouais. Ophir Came, c'est venu comment? C'est d'une adaptation. Ouais, c'est une adaptation du livre de la jungle de Rudyard Kipling. Et en fait, je l'avais jamais lu et je l'ai lu un été et je me suis aperçue qu'il y avait plein de petites histoires dedans, dont l'histoire de pourquoi le tigre a eu ses rayures. Et je trouvais que c'était un livre qui donnait beaucoup d'images et beaucoup d'idées. Et je savais que je voulais faire des marionnettes. Et c'est aussi une co-réalisation avec Bull Trunnell. Donc on en a beaucoup parlé. Et c'est au fil des discussions que l'adaptation est née. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnages à la base. Donc on a fait un long travail de remaniement du texte et à la construction aussi des décors, parce qu'on imagine toujours des choses en amont, mais quand il a fallu construire, bah, le temps, l'espace et les moyens, bah, y a beaucoup de choses qui ont changé et à chaque étape du film, en fait, des choses nouvelles sont nées. C'est un film, t'es presque... Moda aussi, mais par rapport, alors c'est vrai que j'avais calculé sur la veuve Caillou pour dire à Agnès que c'était celle qui était la plus traditionnelle au niveau de l'animation, parce qu'on a vraiment beaucoup de gens qui travaillent. Elle est méga traditionnelle. Mais en tout cas, c'était la plus traditionnelle, non pas dans l'animation traditionnelle 2D, on s'en fout, mais en tout cas dans une vision de l'animation qu'on peut avoir. Alors Moda l'est un petit peu aussi par rapport même à vos trois films où il y a beaucoup de prise de vue réelle et une autre réflexion. Et là, c'est aussi une volonté, même on vous voit. C'est parce qu'on est paresseux. On va voir si c'est vraiment ce qu'il y a derrière. On vous voit aussi dedans, c'était une volonté très rapidement de vous mettre en jeu, en train de manipuler C'était vraiment aller vers le théâtre de marionnettes, donc de montrer comment l'illusion naît quand même, même si on montre les manipulateurs, comment on peut rentrer dans une histoire. Donc c'est vraiment sur la base du conte, on amène le spectateur vers l'univers proposé, quoi. Il y a un gros travail de lumière. Oui. Ça a été c'était une envie aussi de se confronter à ça avant, enfin dès le début du projet, un peu avant le projet. Comment ça s'est passé? Alors en fait, Bull Trunnell, elle était en scénographie et moi en cinéma d'animation. Et donc c'est surtout elle qui a fait les lumières. Donc on s'est beaucoup appris les unes chacune. Ouais. On va y arriver. Et on a eu l'aide d'Olivier Gillon, qui est un grand monsieur. Frère Coué notamment. Hein. Voilà, ouais. Qui nous a beaucoup aidés. De Michael Boucher aussi, qui était notre assistant réalisateur, qui nous a beaucoup aidés pour les lumières. Donc c'était beaucoup de tâtonnements au début. Et puis après, au fur et à mesure du tournage, qui a duré 3 semaines, on a appris à jouer avec cette lumière. Cerise, toi, Les Aimants, c'est venu comment? C'est un film qui est beaucoup plus... éparpillé entre ouais. guillemets, hein, on est moins dans une narration. C'est venu au départ, j'avais pas du tout d'idée de narration, d'histoire, et puis ça m'intéressait pas. Du coup, à la base, moi je voulais travailler plus sur des recherches visuelles, donc sur des illusions d'optique, et c'est parti de là. Du coup, j'ai beaucoup expérimenté, j'ai voulu faire des scènes visuelles que j'ai un peu assemblées comme un film d'animation, quoi. Mais voilà, c'était pas très bien cadré, j'étais pas très bien organisée, je l'ai fait un peu au fur et à mesure. C'est un peu l'inverse de Pierre. Ouais. Oui, je pense, c'est l'inverse de Pierre, oui. Finalement, qui avait tout cadré, qui avait quasiment tout prévu, toi, finalement, le montage a été super important pour toi à la fin. T'avais des dizaines et des dizaines de pas d'heures, j'allais dire, en tout cas, t'avais des heures de... J'ai filmé plein de choses, mais après j'avais quand même des scènes en tête que j'ai essayé de lier. Donc en fait, je me suis rendu compte en regardant mes storyboards, parce que j'ai fait un storyboard, que chaque scène que j'avais imaginée, j'ai voulu les, comme un film d'anime, faire des plans de transformation, en fait, qu'il y a presque pas de cut, en fait, dans mon film, à part à certains moments, mais. Du coup, j'avais quand même plein de rushs, mais c'était quand même un peu pensé à l'avance pour les transitions, surtout entre les scènes qui n'ont rien à voir les unes aux autres. Voilà. Toi, Angèle, justement, je ne sais pas poser la question, tu avais un storyboard une fois que tu as eu l'idée de la seule, une fois que ça t'a permis de, de mettre tout ça en... Non, non, après, j'avais la sole, quoi. Donc, j'ai fait un documentaire animalier, une voix off, qui faisait au début 10 pages, où j'expliquais tout, quoi. La reproduction, écrit, scénar, enfin... de la naissance, les endroits où elles poussent, enfin, où elles naissent, les déplacements dans leur vie pour aller se reproduire plus près des côtes, la mort aussi, parce que je me suis demandé comment la couleur qu'elles avaient quand elles mouraient. Bon, ça, c'était une parenthèse. Et puis j'ai contacté un chercheur en biologie qui avait fait une thèse sur les poissons plats. Et donc, on a échangé pas mal de mails. Et là, j'ai cherché dans l'historique de la sole comment son œil il était passé de l'autre côté, tout ça. Enfin, bon, j'ai organisé tout ça dans un documentaire. Puis après, j'ai enlevé beaucoup de voix off parce que, quand même, c'était un peu lourd. Et puis, j'ai pas pu traiter de tout. Le camouflage de la sole, par exemple, c'est fascinant et j'ai pas pu vraiment en parler bien. Mais du coup, après, je suivais ça avec l'histoire des fossiles où je me suis dit, les fossiles, on pourrait les trouver dans le frigo ou les mettre dans le frigo. Donc, on va revenir sur la réalisation juste après. C'était donc pas forcément de storyboard. Toi, comment t'as pitché au prof, un truc comme ça, t'as dit est-ce que c'était un super truc super intello en disant oh là vous comprenez, je vais faire ça avec des métamorphoses, ou c'était pas du tout ça, c'était une horreur, j'ai passé un très mauvais moment, je me souviens. Je me souviens. Hein, on s'en souvient tous, non? J'ai pas du tout réussi à parler comme d'habitude, mais donc j'ai pas parlé, je crois. T'as rougi. Ouais, j'ai pleuré peut-être aussi à ça. Mais les profs, ils rigolaient, Ils se demandaient ce que je voulais faire, mais je savais pas trop, du coup, c'était un peu compliqué. Et l'ENSA, ça permet ça finalement de. De pleurer. De faire rire les profs en disant oh là là, il arrivera jamais, ils sont contents. Je sais pas trop. Que... Je sais pas trop. Parce que finalement, vous montrez quoi dans ce cas-là? En fait, là aussi, c'était au début de l'année. Il fallait expliquer son projet. Moi, il n'était pas du tout clair. Donc, pour communiquer, c'était un peu dur. Je ne sais plus quand c'était. Mois. Ouais, premier mois, voilà. Rien. Devant tous les profs. Non, mais ce qu'il faut... Il y en a qui avaient des choses. Oui, non, mais oui, il y en a où c'était clair, des narrations et tout. Là, moi, vu que je le faisais sur le moment, je ne pouvais pas réellement expliquer. Est-ce que quand c'est comme ça, il faut... Tu dis, t'arrivais pas à parler ou quoi? Faut être sûr de ce qu'on veut, ou alors être, je t'ai posé la question, complètement inconsciente et se dire, on verra bien ce que ça va donner. Je pense que j'étais inconsciente. Mais à mon diplôme, c'était pareil, j'ai pas parlé. Et ça a marché. Après, le film parle pour lui, je pense qu'il vous écoute, mais je pense qu'il regarde aussi le film au diplôme pour savoir ce que ça donne. On va faire juste une petite coupure et on va revenir après pour parler du tournage. C'est la piste juste après, qui est normalement, si j'ai bien fait mon boulot, qui est la piste 10. Passons au laboratoire pour mieux définir la sole. Le nom Solea Solea dérive du latin solea, sandale. Sa face inférieure, appelée la face aveugle, ne comporte plus d'œil ni de dents. Et, parmi les poissons plats, elle est un mets de luxe. Tu me vois là? Non, même pas. T'es déçue? Hein? T'es déçue? Non. Je suis ravie que tu me vois pas dans tes petites bêtises. La sole est un miracle de la nature. Je suis pas dans la vision. Elle est pas là, ta vision, elle est sur le côté. Tu vas voir l'intérieur du frigo. Ah, ça se photographie, ça. Je suis quand même bête, hein, je comprends rien de ce que tu fais, mais enfin. Les fameux fossiles ont été traités par cryogénisation. Tiens, je vais pas réchauffer le frigo trop longtemps. Leur analyse va pouvoir commencer. Et toute l'équipe est en ébullition. Ça y est, t'as tout vu, elle est ferme. Les scaphandriers passent la main aux scientifiques. T'es un peu longue. Et le professeur Macrae nous explique un problème intrinsèquement lié à une science historique. Alors, ça y est, tout de suite, l'évolution tient compte de la morphologie de la sole, mais pas de son épiderme. L'enregistrement fossile est trop imprécis. Voilà, ça va devenir des peut-être pas des culte comme, comme Skizen, mais je pense aussi qu'il va y avoir certaines répliques comme ça, la seule qu'on va avoir en tête, comme ça, la star. Est-ce que c'est embêtant quand on fait un film et que finalement, la star est... C'est ta grand-mère, en fait. Mmh. Souvent, on te le dit, ça, on dit « Oh, c'est super bien, ton film. Heureusement, t'es ta grand-mère. » Et... Bah oui. Ouais. Ça va, c'est plutôt bien. Bah oui. Ouais. La réalisation des films. On passe à la réalisation. On a vu le projet. On va vite, hein, malheureusement. La réalisation des films, on va peut-être changer un petit peu, parce qu'on fait à chaque fois. Mais on va prendre Angèle en plein milieu. Et après, voilà. Comment t'as réalisé de manière... On en a déjà parlé un tout petit peu avec toi, concrète. Le film est fait un quart d'heure. Ouais. Il est assez long. On a l'impression qu'il y a une vraie, on n'a pas l'impression, il y a une vraie structure, comme tu dis, du film qui est donnée par cette idée de documentaire, et il y a plein de petits moments donnés où tu as dit à ta grand-mère, tiens, on va rejouer cette scène-là. Oui. C'est ça? Oui, oui. Oui, du coup, j'avais fait ma trame à partir de cette voix off, du documentaire. Et ensuite, j'ai commencé à voir ce que je pouvais filmer, du coup, à remplir les, comme une sorte d'animatique, mais que je faisais au fur et à mesure, quoi, comme une trame. Et il y a des scènes... Bah, au début, j'avais commencé à filmer en mini-DV, comme je fais souvent, quoi. On m'a dit, non, quand même, tu pourrais essayer de faire un peu mieux. C'est pas un album de famille que tu fais, ce qui était très juste. C'est un gros documentaire animalier, quoi. Donc, je suis passée à la HD. Donc, il y a déjà pas mal d'images que j'ai complètement refaites. Et puis il y avait aussi des animations que j'ai faites, que j'avais très mal fait au début, parce que l'animation, c'est long. On m'a dit... Il y a un moment où les profs m'ont dit « Attends, une fois qu'on a vu ta grand-mère, les animations pourries, on s'en fout là. » Donc au début, je me disais « C'est pas possible, en fait, c'est un truc sur ma grand-mère qu'il faut que je fasse, il faut que je laisse tomber la salle et l'animation, et que je me mette dans le documentaire complètement. » Et je me suis donné du mal et je me suis appliqué à faire des belles animations pendant 24 heures de suite dans la cuisine, ce qui était sans fin pour elle. Et voilà, et du coup, je m'y suis repris pas mal. Voilà, donc j'ai en fait des différentes versions, un peu mieux à chaque fois, quoi. Comme tu le dis, t'es pas patient du tout. Et donc l'animation était quelque chose qui était compliqué pour toi, c'est ça? Non, je suis pas patiente du tout, mais par contre, j'étais hyper contente d'avoir fait de l'animation dedans, parce que l'animation, c'est un temps qui est différent par rapport à la prise de vue réelle, où en fait, tu peux avoir un peu d'imprévu. Moi, je sais pas animer des personnages, tout ça, raconter une histoire avec de l'animation, mais les mouvements, je trouve ça beau, en fait. Du coup, voilà, j'ai fait fondre de la gélatine pendant 24 heures, et au bout de 24 heures, j'étais comme droguée. Et je crois que j'avais atteint le stade de ma grand-mère, c'est-à-dire je regarde la lumière qui... tombe peu à peu, et c'était hyper intéressant. Il y a un côté immersif comme ça, performance, qui était important pour le film, de se retrouver. Émilie, je sais pas, Mada, toi, donc tu nous as dit en janvier, tu repars, tu réalises, donc on est en animation, je vais entendre le grand mot, plus traditionnel. Ouais. que très très bien animé. Que les autres, ouais, t'as plus joué sur quelque chose aussi, comme tu disais, d'assez... assez lâché, en fait. T'avais envie de cette liberté quand même que tu peux avoir dans le ton, en tout cas. Ouais, j'ai toujours beaucoup aimé les trucs un peu absurdes, mais j'étais partie à la base, j'avais regardé beaucoup d'animes, des trucs de David Shrigley ou des choses comme ça qui sont complètement... qui sont très sérieuses dans le traitement, mais qui sont complètement ridicules. Et j'avais beaucoup de mal à en parler avec mes profs, parce que justement, moi, j'ai envie de garder ce côté... je sais pas vraiment, tiens, je vais caser ça parce que ça me fait rire, même si ça n'a rien à voir. Donc, il y a un moment, il y a des personnages, ils arrivent et puis on les revoit jamais, on sait pas qui c'est, et puis c'est pas grave. Mais plus parce que la scène me faisait marrer en elle-même, et effectivement, ça n'apporte rien à l'histoire. Mais j'avais vraiment envie de faire un film comme ça, voilà, où finalement des personnages ou des scènes ou des trucs vont juste exprimer une idée ou un sentiment, et en fait, la narration, elle est aléatoire. Mais ça me dérangeait pas vraiment, en fait. Du coup, j'avais un peu de mal, effectivement, à dire. Ah, j'ai fait ça pour ça, et même à ma soutenance, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, donc cette scène, ça veut dire ça ?» Et j'étais là « Ah, oui, effectivement. » Donc, mais je trouve ça assez chouette aussi que des gens voient des choses... finalement, ouais, écrire, quand on a dû écrire les trois petites lignes pour expliquer ce qu'on avait fait comme film, j'ai eu beaucoup de mal, parce que j'avais pas vraiment envie, quoi. Il est où? Ouais, je sais même plus ce que j'ai écrit. C'est vrai, ça donne quoi alors? C'était un peu au dernier moment. Ouais. Un homme s'enferme dans une curieuse obsession, son passé, son présent, se télescope au rythme hystérique des programmes télévisés. C'est beau, hein? Ouais. C'est bon, en fait, on vous oblige à écrire après, finalement, tout ça. Ça n'a pas grand rapport avec ton film. Le problème, c'est que je voyais. T'aurais dû écrire. J'aurais dû juste dire des nichons partout, ouais. Ouais, ça aurait été peut-être. Cela dit, sur ma note d'intention, je crois que j'avais mis une citation de À la montée du lait commence l'amour maternel. J'aurais bien voulu mettre ça, mais je voulais pas être le genre de personne qui met des citations. narration avec des auteurs qu'ils n'ont pas lu en fait, donc du coup je ne l'ai pas fait. Mais Est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même des fois de décalage entre justement des films qui peuvent être aussi drôles, on en parlera avec Cerise, et qui d'un seul coup, aussi parce qu'ils viennent de l'ENSAD, il y a un côté un petit peu... Faut que ça soit on a du mal à faire un peu un télo, drôle, ou un peu voilà. Non, il y en a plein qui sont drôles quand même, ou qui sont en tout cas mais beaucoup plus drôles. Qui... Ouais, c'est vrai, c'est. Les profs vous obligent pas. Sébastien Uddenbach est pas très drôle. Moi, je n'ai pas eu Sébastien Uddenbach. Je ne dirais rien. Il y avait parfois des saignements à l'anus. Mais c'est très drôle. Mais non, je pense que c'est parce qu'il y a aussi une espèce de. On considère qu'un film d'animation, s'il est sérieux et émouvant, ça a plus d'importance que finalement un film drôle. C'est vrai qu'il y a certains films drôles, des fois, qui sont gardés un peu de haut. On dit oui, ça, c'était marrant. Alors que ça peut être marrant et bien, je sais pas. Après... Donc l'idée, en tout cas, j'allais dire rock'n'roll, en tout cas, l'idée de vraiment de jeter, de faire des scènes sans te soucier non plus même de, de ce que ça voulait dire ou de se dire oh là, ils vont. Comprendre à ce moment-là, mais juste de se faire plaisir aussi, et qui n'est pas dans le plaisir purement de l'anime, parce que comme tu dis, c'est une anime des fois qui peut être très jetée. Voilà, et ça, c'était vraiment important pour toi, en tout cas, à un moment donné, il y avait une véritable envie. C'était surtout partie de dessin, je faisais des dessins, je les aimais bien, et comme j'étais pas assez douée pour les animer, bah, finalement, du coup, je me souciais pas vraiment de l'anime, mais plus de mettre les images que j'avais envie de mettre. Donc, je me suis débrouillée avec le puppet tool que j'adore, et des gros zooms After Effects et des translations d'objets. Enfin, bon, j'ai pas honte, pas trop. Non, ça marche, t'as même eu un. T'as eu des prix, t'as eu un prix. J'ai eu une mention. T'as eu une mention, oui, bah ouais, mais quand même, quand même. Content. À Bru et tout, donc oui. On va pas revenir sur la mention qui était. C'était une petite histoire entre Jérémy et moi, puisque la première émission que j'ai animée ici, j'anime, et la première personne que j'interroge, c'est Jérémy, en disant je suis content d'avoir tous les gens de l'ENSAD. Il y avait Valérie Pierson de Pistache et tout, puisqu'ils ont tous eu des prix à Auch. Et Jérémy prend la parole et dit. Non, j'ai pas mis un prix, j'ai eu une mention. Et là, je me disais, je suis pas sûr que je sois à la bonne personne, au bon endroit. Il faut que je change. Ah, moi, je suis très contente, hein. Surtout un an après avoir eu aucun retour sur le film, jamais. Là, du coup, c'était la bonne surprise, hein, je te dis. Pierre, toi, tu nous en as déjà parlé un petit peu dans ce côté, donc ce huis clos dans cet endroit créé. Tu nous as dit une semaine. Oui, à peu près une semaine de tournage, quoi. Mais c'est vrai que ça s'est fait aussi pas mal par hasard, une histoire de circonstances. C'est vrai que on voit pas forcément parce que le résultat, c'est on va dire un produit assez fini, quoi. C'est vraiment un clip de ce que ça demande d'essayer de coller des images sans être trop illustratif sur une musique donnée, donc avec un temps vraiment calé, quoi. Mais à la base, voilà, ça devait être, on va dire, un petit peu plus lâché, quoi. Est-ce que tu considères, c'est assez drôle, des petites histoires comme ça qu'on raconte, ton film est passé assez facilement dans une sélection, dans un festival, ils ne sont même pas posé la question de l'animation. À mon avis, ils se sont dit que c'était de l'animation. Oui, c'est ça. En fait, ils ont dû dire que c'était de la 3D parce qu'il était dans la compilation des fins d'études des arts déco. Après, c'est aussi lié à la politique de l'école et de la section qui fait que comme l'animation est beaucoup plus utilisée comme un moyen d'expression, finalement, quand il y a des gens qui dérivent, on est quelques-uns à faire ça, vers de la prise de vue réelle, ou soit en mélangeant prise de vue réelle et animation, on peut quand même les réaliser dans la section animation, quoi. Ils nous embêtent pas, même si par exemple pour Angèle, c'est vrai qu'il y a énormément de prises de vue normales, entre guillemets, c'est carrément possible dans la section, quoi. Donc du coup, je pense qu'ils se sont pas posé la question dans ce festival à Bruy, ils ont dû croire que c'était de la 3D. Et ils ont plus de problèmes avec d'autres films, un autre film où il y a pas mal d'animes, et donc je suis toujours surpris dans ces cas-là, mais c'est plutôt bien. Donc il y a toujours cette idée, en effet, quand même de vision, encore une fois, d'un réalisateur d'anime, on en a déjà parlé tout à l'heure, hein, image par image, finalement, et de créer, parce que tout ce moment où elle récupère le squelette ou ce genre de choses, en effet, pourrait presque être c'est l'animation, finalement. On a une imagerie, quelque part, qui... Pour reprendre les expressions d'Angèle, c'est d'un espèce de toujours documentaire d'un monde imaginaire, quoi. Donc même s'il y a eu une caméra, une image de prise du réel, il y a une approche, de toute façon, très onirique, très factice. Et puis après, peut-être c'est lié aussi à cette envie, voilà, de faire des choses très fausses qui viennent de l'animation, de cinéastes qui m'intéressent. Je sais pas, j'aime énormément le travail de René, de Carax, où il y a toujours quelque chose de très théâtral, quoi. Et puis aussi l'envie derrière de filmer des femmes en général, qui est un truc qui me branche, quoi. Cerise ? Oui. le tournage, toi, t'expliquais. Encore une fois, je dis image par image, qu'en fait, t'aurais adoré faire tout sans post-prod. Oui. Quasiment. Oui, je voulais faire que des trucages en vrai. Donc pas d'effet d'incruste, etc. Mais j'ai dû en faire. Du coup, j'étais bien déçue. Mais oui, l'idée, c'était de tout faire en vrai. Ça me plaisait de fabriquer ou de faire des anamorphoses en vrai et de toucher un peu la matière, quoi. Et voilà. Et quand on regarde des aimants, on a l'impression... moi, j'arrive pas, plusieurs fois que je l'ai vu, me dire, est-ce qu'il y a beaucoup d'improvisation ou alors est-ce que tout était... j'arrive pas à voir... des fois, quand je regarde une scène, je me dis, oh là, on a l'impression qu'ils sont bien amusés, qu'ils ont dû improviser. À la fois, je me dis, oh, ça a l'air tellement carré quand même que ça devait être storyboardé, en tout cas bien réfléchi avant d'être tourné. Les grosses séquences avec la fenêtre et la porte, ça c'était quand même pensé à l'avance, vu qu'on était assez nombreux en fait. Il y avait aussi des manipulateurs qui bougeaient la fenêtre sur roulette et la porte sur roulette. Il y avait Anaïs qui faisait la main en or derrière. Wow. Ça a dû couper le... Ça a dû faire un garrot au poignet là. Donc ça c'était pensé à l'avance. Aussi la scène de l'anamorphose, vu qu'il y avait pas mal d'installations. Et tout le reste, en fait, vu que j'étais toute seule, j'ai un peu improvisé, quoi. J'ai expérimenté, du coup, voilà, ça me faisait un plan à mettre. Est-ce qu'on a peur des fois, est-ce qu'on s'angoisse de se dire, j'arriverai jamais avec... Je pourrais poser la question à Angèle aussi, à un moment donné, quand on a tellement d'images, de se dire, j'arriverai jamais à finir mon film. En fait, je fais des images, mais oui, sans oui. but. Bah oui, non, mais c'est bien aussi. Enfin, c'est sans fin, du coup, je sais pas, moi, ça me plaît... assez, puis de confronter aussi des plans où on n'aurait pas pensé mettre côte à côte, ça crée des choses. Mais oui, c'est pareil, je pense qu'on est un peu pareil avec Angèle, on aurait pu continuer. Ouais, c'est de la recherche en fait. Après, quoi. Ça s'arrête un jour, tu te dis bon, bah là c'est fini. Ouais, parce qu'il y a le diplôme, du coup, ça nous a permis. Il y a une obligation de s'arrêter à un moment donné, ouais. C'est ça. Anaïs, il a fallu un grand. Ça a été tourné où, à l'ENSAD ? Ouais, ça a été tourné à l'ENSAD. On a eu la chance d'avoir pendant un mois le studio volume des Arts Déco. Donc on a vraiment été plongé dans l'univers de la jungle. On a mis une semaine à installer le décor, à faire les premiers tests. Et comme je disais tout à l'heure, 3 semaines à tourner. Et on était là tous les jours. Et il faisait chaud dans la salle. Mais c'était bien parce qu'on était vraiment à 3 tout le temps dans le studio. À travailler, à tester beaucoup de choses, beaucoup de surprises. À la base, devait pas trop y avoir de théâtre d'ombre. On s'est amusé à en faire, donc on a trouvé des solutions beaucoup en route. Et voilà. Donc c'est pas mal de tests aussi, mais c'était quand même hyper cadré parce que d'une part, comme c'était une co-réalisation, on avait besoin d'un terrain d'entente. Donc on ne pouvait pas tout le temps expérimenter, donc on avait pas mal préparé en amont. Et voilà. Et puis il y avait le texte aussi qu'il fallait à peu près respecter. Mais je pense qu'on avait besoin, nous, d'un cadre et pour s'entendre. Puis, voilà. Tous les quatre, à part, désolé, Midim, est-ce que c'était important de vous confronter aussi avec d'autres choses qu'être seul devant sa table ? Ou animé, ou son ordinateur, ou quoi, et d'avoir d'autres personnes, un chef op avec qui travailler, qui vous dit, ah ben peut-être que là, tu devrais peut-être le faire comme ça, des assistants. Angèle disait, bah tiens, quand on n'est pas dans l'anime, en effet, on se retrouve, on dit, bah tiens, est-ce que tu as un script, ou quelqu'un pour te dire ça. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose d'autre que 4 ans dans l'animation à l'ENSAD? Alors, Pierre, toi, tu avais déjà fait de la prise de vue réelle, donc c'est un peu différent, mais voilà, vous confronter, comme tu disais, ben toi qui faisais avec ta petite caméra, Angèle, et qu'on te dit, bah non, là. Tu deviens pro, donc il faut que tu tournes avec un meilleur son et quelque chose. Est-ce que c'était important pour tous les quatre? Angèle, je sais pas. Bah après, en fait, moi, ce film-là, je l'ai vraiment fait toute seule avec ma grand-mère. Il y a ma colocataire qui a fait un plan, mais sinon, c'était vraiment... D'accord, c'est vraiment... Le film de profondeur, quoi. mais là, on a fait j'ai un autre projet en ce moment, et c'est super de bosser avec des gens. Je me rends compte qu'en fait, c'est... C'est vivant. C'est agréable d'avoir en effet des retours autres. Je sais pas, Pierre, toi qui aimes bien la prise de vue réelle. Non, mais ouais, comme l'animation est un peu un truc de geek, ça peut être à la fois très effrayant d'avoir beaucoup de gens. Et c'est vrai que, par exemple, ce qui était hyper intéressant dans Je lançais des fleurs à la Jérémy Clapin, c'est que pour une fois dans un film d'animation, le jeu d'acteur était hyper chouette, quoi. Et c'est vrai que ça demande une certaine désinhibition parce que quand on est tout seul avec sa table lumineuse, d'un seul coup, devoir parler à des gens et d'avoir une matière hyper incontrôlable qui est l'acteur, c'est une chose auquel il est difficile de se confronter, quoi. Cerise ou Anaïs, vous avez une petite chose par rapport à ça Le troisième, tu en as déjà parlé, de l'évasion qui d'un seul coup était, pouvait dire, c'est intéressant, jeudi, il y avait quelqu'un qui était là, Violaine Écuyer, qui est une réalisatrice, et qui disait que Olivier Jean, justement, lui avait dit à un moment donné, il a dit, mais écoute, tu t'en fous de savoir comment c'est fait, juste, qu'est-ce que tu as envie de faire par rapport à ton film? C'est quoi le propos de ton film? Et après, on verra comment on le fera, on verra. Et Violaine disait, heureusement qu'il m'a dit ça, parce que si je devais réfléchir, je pense qu'il y a plein de scènes que j'aurais pas écrit en me disant, là, ça va être tellement compliqué à les faire que jamais je vais écrire ça. Est-ce qu'il y a cette angoisse, justement, de l'animation qui disparaît un peu quand on fait de la prise de parole en disant, on verra bien, on peut retourner plus facilement? Cerise, Anaïs, c'est une question un peu difficile, juste avant la coupure. Vous êtes genre, moi. Tu peux reposer la question plus simplement. Est-ce que d'un seul coup, en effet, quand on sait que l'animation, comme on disait tout à l'heure, c'est à la fois bien parce qu'on peut tout cadrer, et à la fois c'est un peu embêtant parce que ça veut dire qu'on fait pas une scène en se disant c'est pas grave, peut-être qu'elle me servira pas dans le film au final parce qu'on sait le travail qu'on a à faire derrière, et qu'en prise de vue réelle on a peut-être plus de liberté, qu'on se laisse plus aller à écrire des scènes presque pour le plaisir. Alors toi c'est un peu différent parce que justement t'as pas ces scènes vraiment prise de vue réelle, vraiment il y en a quelques-unes, mais dans la manipulation de marionnettes il y a aussi un jeu d'acteurs à respecter. Bon là c'était des animaux donc mais ils avaient quand même une personnalité, mais il y avait vraiment le tigre et le personnage principal, les autres sont que des masses animales, et il y a un chevreuil qui meurt, c'est tout. Donc on a vraiment eu à se concentrer sur le personnage du tigre victime et du narrateur qui raconte ça. Mais moi je sais que j'avais pas, pour répondre à ta question d'avant, j'avais pas envie de travailler seul. J'avais besoin de retour, j'avais besoin de parler avec les gens et de parler aussi beaucoup avec Bulle pour faire évoluer l'histoire. Et voilà. Je crois que dans le fond, on fait pas trop de différence entre. Ouais. C'est peut-être ça notre problème d'ailleurs, mais là, non, au contraire, le truc qu'on a filmé l'autre jour, vraiment comme de l'animation, sauf que ça va plus vite en prise de vue réelle d'une certaine manière, mais si t'as besoin de quelque chose en animation, tu le fais en anime, et si t'as besoin de quelque chose en vrai. C'est une sorte de besoin par projet, ouais. En fait. Ouais, ouais, mais c'est un peu le même. Enfin, pour moi, c'est la même, c'est la même matière, après. De toute façon, tu manipules tout, toujours. Il est quelle heure, Nicolas? Moins 10. Parce que là, j'ai 47. Ça change tout. 48 en régie. 48 en régie. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on lance une dernière Allez, on va laisser tomber. On va laisser tomber en fait. Il y avait Wildcats de Ratatat qu'on devait passer, mais il fait 4 minutes. C'était pour mettre de l'électro aussi un petit peu, pour mettre autre chose un petit peu. On va pour les jeunes. j'avais mis du jazz et pour les jeunes et tout. Non mais Ratatat, c'est dommage, mais ça fait 4 minutes. Catwalk, on va peut-être mettre autre chose qui s'appelle Catwalk, qui est la 14. Et je vais te demander un truc absolument. Enfin, il faudrait mettre la piste 14 et ensuite la piste 13. Je te remercie, Nicolas, beaucoup. Et après, on revient pour parler dans les 10 dernières minutes de Babouchka, tout à fait, sans direct ou sans gel. C'est un peu comme vos films, on fait des choses comme ça de manière un petit peu. Voilà. Wow. Merci beaucoup. Thank you. Et voilà, c'est toujours Bulle de rêve. Ouais, c'est pour un peu la repartir. C'était un extrait des Aimants. Cerise Lopez qu'on a entendu. Et juste avant, c'était Catwalk, la marche des chats. Oui, je sais, il y a des gens qui ne parlent pas anglais, Marine Blin, d'accord, parce qu'à chaque fois, elle me reprend quand je traduis en fait en anglais. Elle est là, elle me regarde. Donc oui, Catwalk, parce qu'en plus, le chat qu'on veut guérir à travers ça a un peu de mal à marcher. Donc voilà. Il n'y a pas l'air comme ça, mais elle est super cadrée, cette émission. Babouchka, c'est venu d'où? C'est venu de quoi, Pierre? À la base, c'est de Babouche qui fornique. Okay. Le reste, c'est beaucoup d'alcool. C'est vrai? Ouais. C'était des soirées alcoolisées, vous vous êtes dit, ce serait quand même vraiment cool qu'on fasse un collectif ensemble? Non, bon, après, il y a plein de raisons. Bon, déjà, c'est des potes, c'est des affinités esthétiques, on va dire, c'est des envies de. Ouais, formelles. Aussi, on se rassemble aussi sur des choses qu'on n'aime pas, parce que c'est souvent plus fédérateur que des esthétiques communes. Et puis, si peut-être deux, trois choses qui sont sorties, il me semble que c'est des manières assez légères de traiter des choses. Des sujets un peu durs, mais voilà, je pensais que sans être franchement, sans faire des films rigolards en permanence, il y a un espèce de ton un peu léger qu'on peut trouver dans l'ensemble des films, mais c'est ça. Après le nom, on ne sait plus. si je dis, c'est pas vraiment le nom, c'est vraiment là, moi, ce qui intéresse le collectif. Est-ce que, je sais pas, quelqu'un, si je dis que vous faites des films légers, mais où il y a une, enfin, on sent que vous voulez faire des beaux films, j'aime pas le terme, en tout cas, vous voulez faire vraiment des films. Il y a eu beaucoup de films de l'ENSAT qui sont sortis qui étaient plus des pochades. C'était plus, on va se fendre la gueule, même voir, à mon avis, on va rentrer dans l'art de l'équipe pédagogique et ils vont bien voir ce genre de choses. Je parle pas de cette année, mais je parle des années. Et j'avais l'impression que cette année, même des films comme Les Aimants, je le dis souvent, je l'ai déjà dit à Cerise, que je trouve très drôle, finalement, par rapport, voilà, le film d'Angèle. Enfin, voilà, des films qui sont... Moda, qui est aussi... qui peut être drôle, en fait, qui rentre dedans ou quoi. Est-ce qu'il y a ça, cette idée de... on veut quand même faire du bel ouvrage, mais tout en se marrant quand même. Je sais pas, Angèle. Je regardais, je savais pas si tu voulais répondre ou tu me disais qu'est-ce qu'il raconte. Non, j'écoutais. Ouais, de toute façon, quand tu fais un film, tu veux quand même pas te foutre de la gueule de la personne qui est entrée dans la salle, en fait. Moi, j'ai tendance comme ça à faire un peu n'importe quoi et après je me dis ça se fait pas, réfléchis. Enfin, voilà. Donc, est-ce que Babouchka, c'est ça aussi? Est-ce que vous avez un regard? On parlait de Papy 3D. Est-ce que vous avez un regard sur les films des autres en disant attends, là, tu devrais faire autre chose ou putain, tu déconnes? Ou non, pour l'instant, c'est encore assez libre, ouais. Je crois qu'on se donne pas, enfin, on s'interdirait jamais de faire quoi que ce soit, mais on avait fait un pacte de sincérité pendant l'année du diplôme, de se jurer, de se dire vraiment ce qu'on en pensait, pas, même si on était copains, de pas dire ah, c'est génial ce que tu fais. Alors que bon. Mais du coup, non, sinon, à part ça, vraiment, chacun. Enfin. Moi, personnellement, j'aime bien ce que fait tout le monde, même si on ne fait pas du tout tous la même chose. Du coup, c'est ça qui est bien aussi dans un collectif, c'est qu'on ne va pas se dire « Ah, ça ne va pas dans l'esprit du collectif ce que tu fais ». Je ne pense pas que ça pourrait arriver, en fait. Et le jour où ça arrivera, d'ailleurs, non, ça n'arrivera pas. Est-ce que monter un collectif, c'est difficile? Est-ce que là, d'un seul coup, aujourd'hui, est-ce que vous avez des appuis? Je ne sais pas, moi, est-ce que vous avez été voir le CNC? Est-ce que vous avez été voir l'agence du court-métrage? Est-ce que vous avez? Ou est-ce que pour l'instant, c'est... on est juste une bande de potes, on fornique, on boit, ouais. Et donc pourquoi pas faire un collectif ensemble? Ou est-ce que d'un seul coup on se dit non, là il faut qu'on ait des commandes? Non, mais quand même, un collectif ça veut avoir peut-être des commandes derrière et puis tenter de se vendre un tout petit peu, non? Bah, la seule Pierre chose, peut-être qu'un peu, enfin, il n'y a pas d'association, il n'y a rien derrière, quoi. Mais c'est vrai qu'il se trouve que peut-être une osmose qui s'est faite après le passage en festival. C'est vrai qu'il y a eu 100 sélections en festival des films de fin d'études, il y a eu plus de 15 prix. C'est un truc peut-être qui a donné une patte malgré nous, en fait, de tout ça, quoi. Mais comme il n'y a pas de statut derrière, on n'est pas encore à chercher des subventions qui pourraient être le cas pour une asso, quoi. C'est-à-dire que pour l'instant, par exemple, je sais qu'en parmi vous cinq, est-ce que vous avez des projets? On parlera, je sais qu'Angèle et Cerise en ont, mais est-ce que vous, Émilie, Anaïs, Pierre, vous avez des projets pour l'instant concrets, je ne sais pas, de court-métrage, de long-métrage, de série? Moi, pas en animation, en tout cas. Pour l'instant, je commence à travailler sur une bande dessinée avec un ami qui est scénariste, donc pas d'anime pour l'instant, mais sauf pour moi, chez moi, avec mon After Effects. Mais du coup, non. Est-ce que Babouchka, ça peut pas être justement l'occasion de sortir de temps à autre des petites choses juste pour le plaisir? On avait commencé à travailler sur le défi de Food Anime, là, sur Dracula, et puis bon, après, on a tous eu des boulots qui sont tombés. D'accord. Mais ouais, on était partis dessus, on s'est dit on va faire ça, on était 4-5, et on avait commencé à bosser et tout. Donc ça, oui, évidemment, c'est ça qui est cool avec Babouchka, c'est que si on a une idée, qu'on a besoin de gens, on sait qu'on est suffisamment nombreux pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit d'accord pour faire n'importe quoi avec toi, donc ça, c'est cool. Pierre? Moi, j'ai un peu arrêté l'animation, donc du coup, en fait, je continue en prise vue réelle. Et ça fait, ouais, du coup, 4 ans que j'essaie de faire au moins un court-métrage en prise vue réelle par an. Et là, je rentre en production pour un film de vampires autour des règles des femmes que les vampires essaient de capter. Ouais. Toujours les mêmes obsessions, faut rester dans les mêmes obsessions. Anaïs ? Moi, c'est un projet tout à fait embryonnaire pour l'instant. Ce sera de l'animation. J'ai envie aussi d'aller vers l'installation. Et c'est sur moitié documentaire fictif et expérimental sur un aviateur de la Première Guerre mondiale. Et wow. Voilà. Cerise, toi, c'est avec Agnès Patron, donc la veuve Caillou, oui. Qui est aussi Babouchka. Oui, là, on est en train de monter un projet sur une adaptation d'un conte amérindien. On a des productrices et du coup ça, je pense que ça va commencer à marcher. On a eu une aide. Et vous avez fait Fontevraud aussi. Ouais. Oui, on a eu la résidence un mois à l'abbaye de Fontevraud où on a pu réécrire notre scénario. Et sinon concernant Babouchka, ce qui est bien aussi, c'est que on fait pas que des films d'animation. En fait, il y a des illustrateurs, des graphistes, scénographes et constructeurs de décors. Du coup, c'est pas mal. Ça, c'est pour ça aussi que nos films ils sont assez différents et hybrides, je pense, parce qu'on touche un peu dans des domaines différents, quoi. Angèle, rapidement, t'as 30 secondes. Donc toi, tu fais un film, c'est okay. Ça que tu nous disais, en prise ouais, de vue réelle. Ça s'appelle Les Chiens, et Pierre, c'est mon premier assistant, et Cerise, c'est la chef d'écho, et parce qu'elle fait des trucs jolis, moi, j'y arrive pas. Parce que il est cool, moi, j'y arrive pas. Du coup, il y a une bonne ambiance. Ok, on en reparlera. J'espère que Babouchka, on est au début, et j'espère qu'ils vont venir regarder leur film. C'est vraiment intéressant. Vous savez qu'on invite que les gens qu'on aime bien à Bulle de Rêve, donc voilà. C'est pas parce qu'ils sont là, je le dirais aussi. Sans qu'ils soient là, quelqu'un m'a volé mon DVD. Non, il est là, c'est bon. Donc on va finir. Florentine me dit me l'a dit tout à l'heure, c'est le 30 mars, la prochaine émission c'est Femmes et Animation. On va continuer à savoir pourquoi il y a autant de femmes au début et pas forcément à un moment donné après. Florentine ne sait pas, mais j'ai décidé de continuer. J'avais longtemps hésité à arrêter Bulle de Rêve ou pas, parce que c'était beaucoup de travail et j'aime bien quand même le faire, donc voilà, j'ai continué. Je sais pas si Florentine continuera avec moi, mais en tout cas on va continuer à le faire comme ça. Voilà, je l'annonce juste à la fin, comme ça elle m'engueulera plus tard. Non, c'est pas pour ça. Et on finit avec un petit quelque chose, donc toujours pour ce chat qui est tiré d'une bande originale d'un film de 13 minutes des studios Ghibli, avec un tout petit Nekobasu de Totoro qui est la suite, un petit court-métrage de 13 minutes, et on finit avec ça. Ça dure à peine une petite minute, toujours de Joe Hisaishi. Merci à tous, et donc à très bientôt autour de ce micro.